Alina, dans la liste des thèmes de la conférence, il y avait contacter l'énergie de vie ou de vie, je ne sais plus, pour guérir. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point? J'avais écrit ça? Oui, ok. Oh, ça va, hein.